nous parlait de café parce qu'il était passionné de café. Alors on s'est dit, on va imaginer que cette émission elle se déroule depuis un café. Alors voilà, on a chopé ce petit truc là sur internet et voilà. Ben, c'est parfait. Alors on va s'en servir ce soir. Merci en tout cas. Longue vie bien sûr à Muni étudiant. Et nous pour l'instant, on retrouve Impro Station, cette émission d'improvisation à la radio, et on parle d'improvisation ce soir, et encore plus que d'habitude, parce que comme vous le savez, la semaine de l'impro arrive pour cette nouvelle édition 2016. On va en parler très vite pendant qu'on se prépare, qu'on se mette en place, et que je trouve bien sûr ce qu'il faut, parce qu'on enchaîne ici des émissions en direct à Fadjet 94.2 ou sur le net fadjet.net tout simplement. Et allez, on lance le jingle pour ce soir. C'est parti. Et là, je regarde si tout est OK, on est pas mal, on est bon, on peut y aller. 20h, 21h, Impro Station. C'est ce que je vous disais, Impro Station, pour cette émission numéro 4850, je ne sais pas du tout. Je ne compte pas. Et on retrouve ce soir des animateurs, des chroniqueurs, surtout des improvisateurs. Ce soir, nous avons affaire à, bien sûr, les représentants de la semaine de l'impro. Nous y sommes, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Je ne sais même pas la date. J'en sais rien du tout. On est quoi ce soir? Ah oui, voilà, le jeudi 21. Salut, bonsoir à jeunes gens. Ce soir, on accueille on aime bien encore dire un peu, c'est un peu le papa quand même un des papas de l'impro à Nancy, parce qu'il est venu avec l'impro dans ses bagages, hein, en venant de Bretagne. C'est ça un peu, Yann? C'est ça, on parle de moi. Ah, je t'entends pas, ma biche, voilà. Mais oui, je me rends compte. Ah oui, parce que c'est pas le bon micro, voilà. C'est bon, vas-y, moi tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est bon. Non, alors ouais, donc effectivement, c'est ça. À l'époque, c'était en quoi? En 2000, 2001? Même pas. En 2000, je crois. 2000, t'es venu avec ça, avec l'impro un peu dans les bagages, et t'as rencontré d'autres gens qui voulaient. Enfin, je suis venu avec l'impro dans les bagages. J'avais vu de l'impro ailleurs. T'as même pas fait. Et j'en avais même pas fait. Donc les débuts étaient assez folkloriques, on va dire, parce qu'on était toute une bande à n'avoir jamais fait d'impro. Ouais. Et du coup, on s'est dit, mais on a envie d'en faire, donc pourquoi on le ferait pas? Donc le début, c'était un peu à notre sauce, quoi. Et voilà, et puis c'est parti comme ça. Ouais, heureusement, il y avait Gérard Tienne qui continue à en faire, qui en avait fait un petit peu à Dijon. Et il y avait Alain Dutec qui en avait fait à Toulouse, et du coup, qui nous ont un peu guidés sur les débuts. Et puis c'est parti comme ça. Et puis après, d'autres se sont greffés au fur et à mesure. Et Beaucoup trop. Et là, alors bien sûr, donc Yann, bien sûr, ce soir avec nous. Yann Berrier, on le salue. Et bien sûr aussi à ses côtés, Fabien Perret. Ça va, Fabien? Oui, ça va. Merci, Steve. Oui, ça va. Très bien. Hein, Fabien aussi, que vous entendez depuis un certain temps. Improstation, c'est un des plus fervents. Je crois qu'il adore ça, on peut le dire. Oui, moi, je kiffe. Je kiffe. Bah, franchement, si je pouvais habiter ici, j'habiterais ici. Mais écoute, on peut te faire une petite chambre, hein, on peut trouver ça. Et j'ai pas été très poli parce que mais comme on dit, le meilleur pour la fin, hein, c'est bien ça. Ça va, tu te rattrapes. Ça va, Marie? Ça va. Marie aussi, beaucoup, enfin très impliquée, puisque en fin de compte, présidente de l'association SDI, c'est ça? Ouais, est-ce que j'ai des bêtises ou pas? L'association Impronancie. Ah, autant pour moi. Ouais, donc, comme quoi il fallait le préciser. Oui. Impronancie qui soutient donc le projet SDI. C'est exact. Alors quand j'ai SDI, on est bien d'accord. Semaine de l'impro. Voilà. Voilà. Alors, je t'entends pas trop, Marie. Ouais, je vais un petit peu monter. Tu es où? Ah, tu es un peu malade. Oui, je suis un peu malade. C'est sûr. Et bien sûr, à nos côtés aussi, on est avec nous ce soir. Un peu une spectatrice privilégiée. Tu parleras au micro ce soir ou pas? Edmé, non, elle voudra pas. Mais donc on la salue, comme quoi on est aussi du public en direct. Edmé, est-ce que je peux te solliciter pour allumer la lumière dans le studio? Voilà. Comme ça, ça va venir pour rien. Super. Merci Edmé. Alors voilà. Ce soir, on parlera un petit peu plus de la programmation, parce que j'ai j'ai halluciné. C'est quand même encore plus que d'habitude ou pas? Je ne m'en sors plus avec tout ce qu'il y a. Non, c'est moins que d'habitude, parce que ça commence plus tôt. Non. Il y a le off le vendredi. Oui, il y a le off le vendredi. On commence le vendredi soir. Voilà, qui est un petit apéritif, on va dire. Oui. Mais sinon non, parce que la dernière édition, on était passé sur deux salles. Ah. Et là, on est revenu sur une salle plus grosse. Ouais. Donc en fait non, la dernière édition, il y avait peut-être deux fois plus de choses. Là où on a un peu augmenté, c'est que vu que les stages se remplissent très très vite, ouais, on en a rajouté. Donc voilà, il y a plus de stages que les autres années, mais il y a quand même le même nombre de spectacles. Alors je compte sur vous ce soir pour une sortie, toute l'essence de ce qu'on doit savoir sur cette semaine, entre spectacles, stages et autres rencontres, tout simplement, il y a largement de quoi faire. Combien de, est-ce qu'on peut dire déjà comme ça, combien de pays représentés cette année ? Combien de pays représentés ? On n'a pas fait le décompte. En vrac, comme ça, bah, y a forcément la France, la Suisse, la Belgique, le Pérou. L'Italie, le Pérou, l'Espagne, L'Allemagne. Je crois qu'on est déjà pas mal. Hein. Et le Québec. Et le Québec, pardon. Québec. Et le Luxembourg. Et Luxembourg. C'est vraiment une rencontre d'impression internationale. Pour tout vous, pour tous les férus, pour tous ceux qui adorent ça, vous êtes bien sûr les bienvenus. Et encore une fois, bien sûr, on va parler aussi de ces stages. Peut-être que vous êtes déjà peut-être un peu trop tard, mais on pourra quand même rencontrer parce que c'est des gens accessibles. Non, il y a encore quelques places. Voilà, mais peut-être que certains sont déjà pris selon ce que vous vouliez faire. Oui. Mais ça vaut le coup de vraiment tenter effectivement tout type de stage. On va en reparler. Déjà, Improstation, c'est l'impro à la radio. On salue nos potes de Beam Team. Hein. On a fait un petit tour. Oui, tout à fait. Voilà. Exactement, samedi dernier. Et puis donc qui va repasser donc sur la Beam Team Radio, donc une web radio, et où vous pourrez écouter l'émission. Si je ne m'abuse, demain soir, hein, 20h30, elle va repasser. Donc voilà, si vous voulez nous écouter, vous pouvez même écouter, je pense aussi en podcast. Donc Beam Team Radio, donc BIM et Team comme la team, l'équipe TEAM. Voilà. Il y a un crayon à côté de vous. Et pour ceux qui vivaient dans une grotte, c'est quoi la Beam Team ? Alors, la Beam Team Radio, bah, justement, oui, c'est une web radio du côté de Sarrebourg. Voilà. Donc, c'est un collectif à la base hein, qui avait créé la Beam Team. Et puis, du coup, il y a notre ami Fifi Derler, ouais. Donc, qui est notamment un de ceux qui étaient à l'origine de la SADIC hein, à Sarrebourg. Et qui donc anime avec brio cette émission qu'on avait testé déjà il y a 3 ans. Donc on avait testé ça un petit peu avec du matériel comme on avait pu se débrouiller quoi. Et puis là du coup on avait mis les petits plats dans les grands parce qu'on était en direct, en public, dans une très belle salle, hein, donc à Sarrebourg, ouais. Voilà. Et c'était vraiment chouette. Enmé qui est là me fait de grands signes, me disant ouais, c'était super génial. Voilà. Donc il y a de l'impro, c'est un Impro Station à Sarrebourg. Oui, non, c'était une édition. On l'a fait il y a 2 ans, donc c'est une fois tous les 2 ans à peu près. C'est peut-être ça. Qu'il y aura, mais c'est vrai que là, c'est un peu dans le même esprit. Alors après, il y a aussi des questions d'actualité de jeu. Voilà. C'est un peu différent quand même. Voilà. En plus, c'est l'émission sans filet. Ouais, voilà, si vous cherchez sur Beam Team. Voilà. Donc c'est l'émission sans filet avec donc de l'improvisation. On avait un invité, hein, donc qui nous a fait des sketchs. Hein, donc Julien Strelzik. Ouais, voilà, tout à fait. Venu, ouais. Et on avait donc des improvisateurs de talent. On avait des gens du côté de Sarrebourg, et puis voilà, donc c'était du côté de Strasbourg, oui, Laurence, voilà. Julien Malécosson, que l'on salue, des gens bien sympathiques, très chouettes. Allez, on y va, 20h08 déjà, on va bien sûr donc improviser parce qu'on est là pour ça, hein. Et justement, vos thèmes sur Improstation Fadjet, n'hésitez pas, allez-y, c'est parti, vous pouvez y aller. Tout de suite, une première improvisation avec une ambiance sonore que je vais vous proposer là, qui est là. Et bien sûr, on improvise, jeunes gens, le petit jingle, et c'est parti. Messieurs, dames, aujourd'hui, je vends tout. Je vends tout. Alors, si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, c'est à moitié prix. C'est à moitié prix. Monsieur, vous voulez acheter quelque chose ? Bah, écoutez, oui, moi, je suis en vacances, là. On est avec ma femme. On s'est dit, bah tiens, pourquoi pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous faites alors, de rêver ? Pour votre femme, j'ai ce magnifique collier de perles. Oh. Voilà. Oh, t'as vu, chérie ? Oh, superbe ! Oh, mais magnifique. On dirait le collier de ma grand-mère. Sabrina, tu vas t'enlever ce... Tu enlèves ton collier, on a trouvé un vendeur. Et quoi, je crie? Et alors? Et alors? Oui, oui, mais bon, on vous entend bien, monsieur, il n'y a pas de problème. Mais regarde, regarde, on voit dedans. Regarde cette perle, on dirait qu'il y a des gens minuscules dedans. Mais tu as raison, c'est... Mais monsieur, mais... c'est quoi ce secret de... Pourquoi vous faites ça? On voit des gens dedans, mais... C'est toute ma famille, ben voilà, c'est parce que je vends les bijoux de famille, donc forcément, ben dans mes bijoux, il y a de la famille, voilà. Vous avez toute votre famille dans vos bijoux? Alors ça, c'est Stanislas, par exemple, le grand-père, là, qui vous fait coucou. Bonjour, monsieur. C'est sympa, il... Mais du coup, on récupère votre famille si on achète le collier? Oui, j'ai dit, hein, je vends tout, il ne doit plus rien rester, voilà. Arrête de pleurer, Sabrina. Arrête. De toute façon, il tenait pas vraiment à ce collier. Mais je le prends. Voilà, regarde, tiens, regarde. Je te l'accroche autour du cou et regarde, ça y rentre même dans ta peau. Mais dis donc, mec. C'est quand même un peu bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, chérie, tu. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Oh, c'est Stanislas. Je vous avais c'est dit... C'est grand-père. Ce collier est incroyable, n'est-ce pas, hein? C'est incroyable. Mais ne pleure pas, Sabrina. Hein? Oui, c'est ton grand-père, et alors? Et alors, je t'ai dit qu'on vendrait tout, et bah tant pis, aujourd'hui on vend ton grand-père. On part ensemble, c'est ça? Je vais chez vous. Mais qu'avez-vous fait de ma femme, mais Stanislas? Mais rendez-moi ma femme. Vous n'y perdrez pas au change. Je peux vous le dire. Il fait des petits plats. Il a une petite moussaka. Vous m'en direz des nouvelles. Vous n'auriez pas une bague avec votre grand-mère? J'ai des dents, si vous voulez. J'ai des dents en or. Donnez. Sabrina, viens par là. Ouvre la bouche, Sabrina. Arrête de pleurer, Sabrina. Voilà, tenez, bah voilà, regardez, c'est une magnifique molaire en or. Mais écoutez, merci. Oh, mon chéri. Michel, c'est toi. Oh, je te retrouve enfin. Oh, Michel. Oh, mon Stanislas. Ouais, voyez, aujourd'hui, on vous voit même du romantisme. Hein, et ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit, le romantisme. Prenez, c'est en bonus. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, mon cœur. Je t'aime toujours. Oh, moi aussi, je t'aime, si tu savais. Arrête de chialer, Sabrina. Arrête de chialer, c'est que du romantisme. Oh voilà, ce n'est que du romantisme. Est-ce qu'il y aura du romantisme à la semaine de l'improvisation à partir du 29, c'est ça? 30. Alors, officiellement du 30, et justement, oui. Il y a le petit apéritif dont on parlait le 29. Très bien. Alors, dites-nous déjà, allez, donnez-nous un petit peu des petites choses. Pour ceux qui en restent, est-ce qu'il y a des nouveautés? Tiens, est-ce qu'il y a des nouveautés cette année par rapport aux autres éditions? Est-ce qu'il y a des nouveautés forcément, vu que c'est de l'impro? Oui. Hein, donc, il n'y a rien qui va se répéter. En nouveauté, je sais pas qu'est-ce qu'on peut. Par exemple, c'est quoi leur match ado? Par exemple, le jeudi 5 mai en après-midi, on organise un grand tournoi ado. Voilà, savoir que la compagnie Crash Text cette année fait partie du trophée Culture et Diversité. Un trophée qui avait été lancé par Jamel Debbouze notamment, et qui du coup organise comme un championnat de France des collégiens. Et du coup, on en fait partie et on avait envie de leur donner une place dans la semaine de l'impro. Du coup, on est allé voir un petit peu en dehors de nous qui faisait de l'impro avec des ados. Et ça tombe bien parce qu'on n'est pas les seuls. Du coup, il y en a plein. Du coup, il y a la MJC Pichon, je crois qu'il y a L'Axou, il y a Ludre, il y a Pagny sur Moselle aussi. Ah, Ludre aussi? Oui. Ludre qui fait un atelier de théâtre plus impro, qui mélange un peu les deux. Il y a des Vosgiens aussi, parce que je sais que Louis Fouettet a pas mal d'ateliers ados. Oui, alors ils sont un peu grands. Ah oui, ils sont plus grands. C'est des ados qui ont déjà pas mal de barbe. Donc voilà, on fait une après-midi interdit au poil. Donc voilà, mais en tout cas, c'est une après-midi, on les réunit et ils vont faire un tournoi entre eux. Je pense que ça va être un très joli moment parce que souvent, si c'est pas leur première scène, c'est presque leur première scène. Ouais. Et c'est toujours des moments assez incroyables. Et donc, tout ça se passe bien sûr où déjà? Comment ça se passe d'ailleurs? Eh bien, tout ça, tu es au théâtre de la Foucotte. Donc, rue de la Foucotte. Très bien. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est bien fait. C'est bien. Hein. Théâtre de la Foucotte, qui était un théâtre très prisé d'ancien, très très connu, qu'on a un petit peu oublié ces dernières années. Et est-ce que c'est relancé le théâtre ou il y a toujours eu des activités dans le théâtre? Alors, c'était principalement un théâtre qui recevait le théâtre de la Passion. Et là, ils essayent un petit peu, oui, de relancer le théâtre, de l'ouvrir un petit peu. Parce que le Jardin, c'est une magnifique salle. Oui. Il y a 300 places, il y a plein de salles dans le théâtre que nous, on va utiliser d'ailleurs pour des after-shows, des stages et tout ça. Et c'est vrai que le théâtre est plus très connu. Il est derrière la Fac de Lettres, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. Alors qu'en fait, c'est un vrai lieu à découvrir. Il est assez incroyable. Est-ce que, bien sûr, il y a des spectacles tous les soirs, 2 spectacles par soir? Au moins. Et avec justement parfois même des after show après. Ça, c'est une nouveauté, ça, par exemple. Ça, c'est une nouveauté également. C'est quoi un after show? C'est quoi? Eh ben, on a donc un spectacle à 8h, à 20h, un autre spectacle à 21h30 et un spectacle à 23h. Donc voilà. Par qui? Eh ben, par qui? Par ceux qui seront là. Par ceux qui seront là. Est-ce qu'il y aura une poursuite dans la salle? Ça faisait souvent les belles heures des afters d'impro, je me rappelle bien. Est-ce qu'on peut donner une journée type? Par exemple, est-ce que le lundi est une journée complète de programmation? Est-ce qu'on peut savoir tout ce qui se passe, par exemple, le lundi ou le mardi, ce que vous voulez? Oui, parce que là, c'est une journée type. Voilà, parce que justement, le lundi, c'est pile poil la journée qui n'est pas type. Qui a un peu de repos. Alors, par exemple, il y a une scène ouverte quand même à la plantation. Oui. Voilà, donc il y aura des stages en journée à la plantation, une scène ouverte le soir. Mais sinon, une journée type, c'est stage de 9h à 17h. Oui. À 18h, apéro impro à la plantation. Ah, donc, voilà. Donc un autre lieu que la Foucotte aussi. Bien sûr, voilà, qui est du côté de la Fac de Lettres. Okay. Et qui reçoit les peps habituellement. La plantation. Mais ça reste. C'est la grande banlieue de la Fac de Lettres. C'est pas trop loin, en fin de compte. Hein. Non. On peut pas y aller à pied entre la Foucotte et ça, c'est bien ça. Tout à fait, ouais. Et c'est mieux pour certains. C'était le but, justement. Qu'il aille de la plantation à la Foucotte à pied. C'est bien. Oui, bien. Exactement. Et donc, oui, et après. À la Foucotte, du coup, un premier spectacle à 20h. Un second à 21h30 et parfois voilà ces after shows qui sont ou des spectacles un peu plus particuliers ou alors des restitutions de stage voilà qui à partir de 23h dans une petite salle du théâtre. D'accord. Oui, donc là aussi une semaine relativement reposante hein, qui va être complètement détruit, fatigué. Mais il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. Vous nous donnerez après tout à l'heure aussi au cours de l'émission quelques spectacles à voir, puisque peut-être nous préciser les stages où il reste de la place et donc aussi les spectacles à voir, ceux que vous voulez vraiment mettre en avant. Même a priori, il y en a donc du coup à peu près combien de spectacles? Une douzaine du coup en tout sur le. Hein, oui, une douzaine. De spectacles. Programmé, hein. Évidemment, on va vous parler de tout cela. Aussi, Kino Cabaret, oui. Hein, oui. Ah d'ailleurs, merde, je me suis pas encore inscrit, j'oublie. Eh ben, il faut. Ben, faut le faire. Cette semaine pour s'inscrire encore. C'est cette semaine. Ouais, bon bah. C'est ce que je fais demain. Ouais, d'accord. Tout à fait. Ok. Oui, Fabien. Donc Kino Cabaret, Kino. Hein, premier week-end. Hein, ouais. Donc, toujours. Réunion 18h le vendredi 29 et puis tournage samedi dimanche. Ouais. Et donc projection des films à 20h30 et donc bien sûr au théâtre de la Foucotte. D'accord. Voilà. Très bien. Combien de places? Quelle est la jauge de la Foucotte? 300 places à peu près. Hein. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah oui. Donc là, on a accueillir du monde. Ouais, ouais. Et comment on fait pour réserver les places? Bien sûr, est-ce qu'il faut réserver peut-être pour certains spectacles? Alors, ça peut être mieux de réserver parce que ça évitera d'attendre qu'il y ait 299 personnes devant nous qui achètent leur ticket. Oui, c'est vrai. Donc il y a sur le site internet du festival, il y a tous les liens pour commander les places à l'avance. On les reçoit par mail, on imprime, on vient avec ça et c'est tout bon. www.improfestival.com. D'accord, improfestival.com. Est-ce qu'on a des tarifs? Tiens, comment ça se passe cette année? Est-ce qu'il y a un pass? Il y a quoi? Alors, on n'a pas fait de pass, mais donc en général, les soirées sont à 10€ pour les deux spectacles. L'after show est à l'appréciation du public. Voilà. Ouais. Les stages sont à 30€, 25€ pour les personnes qui sont adhérents de l'association. D'accord. Sachant qu'on peut adhérer en ligne aussi. Voilà, tout peut se faire en ligne. Très bien, très bien. Donc concrètement, je peux passer une belle soirée pour combien?

Vous n'avez pas compris que de toute façon, il ne vous aimait pas. Vous n'avez pas vu ça? Moi, je l'ai vu tout de suite dans ses yeux. Ah bon? Mais bien sûr. Mais regarde, un regard comme ça. Je suis peintre aussi, madame. Ah. Je peux vous peindre. Je peux vous... Mais bien sûr. Regardez, venez, regardez, entrez chez moi. Regardez. Waouh. J'ai peint toute cette nature. Exactement, regardez. Je l'ai vu, je vous suis depuis longtemps, depuis que vous êtes entré dans ma propriété. Et j'ai bien vu qu'il n'aimait pas être en votre compagnie. J'ai bien vu les efforts que vous faites, les beaux efforts. Et vous méritez mieux, madame. Vous croyez vraiment? Vous méritez une vraie vie de déesse. Vous me proposez ça? Parce qu'à la campagne, eh bien, il y a aussi des déesses. Et c'est pas parce qu'on n'est pas dans un château qu'on peut pas vivre comme une reine. Excusez-moi, j'ai trouvé ça. Ah oui, il y a quelque chose. Il y a la poésie aussi. Est-ce qu'on aura de la poésie à la semaine de l'improvisation? Je pose la question. Oui, il y aura de la poésie. Oui, ça dépend. Sur un moment ou un autre. Tant tout est improvisé, donc. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir. Oui, pardon, dans l'esprit. J'étais en train de réfléchir au spectacle poétique. Il y a, même si c'est pas, comme tu dis, c'est improvisé, on sait pas, mais il y a le Polite Box le vendredi, qui risque d'être très joli. C'est la compagnie Impro Infini de Brest qui nous amène ça. Et en fait, c'est un spectacle où toutes les improvisations partiront de jeux de lumière. Voilà, donc plein de lumières très marquantes. Et du coup, ça appuiera surtout un jeu un peu sans parole. Forcément, et ça risque d'être un très joli moment. Alors, justement, est-ce qu'on peut avoir, parce qu'on va pas faire ça d'un bloc, bien sûr, mais est-ce qu'on peut avoir la programmation donc des spectacles aux heures de. En prime time? Du coup, ça commence donc vendredi. Donc là, pas de spectacle vendredi. Vendredi, MJC Pichon avec donc Zest Prod. Ah voilà. Si quand même. Voilà, Zest Music Award, ça c'est en pré-festival. Spectacle et musical. Voilà, quelle date? Musical, donc le 29 avril, voilà, MJC Pichon. Et, là, et après, donc début du festival, le samedi 30 à 20h avec donc le grand match d'ouverture, Nancy contre le reste du monde. Oui. Et là, ça risque vraiment d'être quelque chose de vraiment très très bon et qui va déchirer. Je m'arrête là, sinon je vais dire des superlatifs et inapproprié. Ça va être vraiment super bon. Ah, c'est d'accord. Donc ça c'est le samedi 30. Ça c'est le samedi 30. Quelle heure? Tout à fait. Samedi 30 à 20h. Et après, est-ce qu'il y a un autre spectacle ou là il y a un seul spectacle? Il y a un seul spectacle. Le match. D'accord. C'est un match traditionnel, voilà. Très bien. En trois tiers temps. Ça va être en trois tiers temps. Ouais. Ah ouais, vraiment à la mode. Donc on mettra le maillot d'arbitre, tout ça. Bien sûr. Ça. C'est qui l'arbitre d'ailleurs? Je ne sais pas. Les coquinous. A priori, donc c'est moi-même. Hein, a priori. À moins que je me claque, normalement, mais même claqué, je viendrai. Et le dimanche, donc, c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est la fin du kino. Là, on peut voir tous les films produits en deux jours, en 48 heures. Alors, juste, il y a. Oui, dis-nous. Parce que du coup, l'après-midi, il y a quand même deux spectacles. Dimanche? Oui, dimanche après-midi. Ah oui, d'accord. Dimanche premier. Un notamment, qui me tient particulièrement à cœur, c'est à 15h. Ça va être un Bill Mini. Alors, c'est un spectacle pour enfants. Oui. Mmh. Voilà, mais c'est un spectacle pour enfants un peu particulier dans le sens où c'est d'habitude Bill Mini, c'est joué par la compagnie Crash Text. Là, ce sera Crash Text plus invité, différents improvisateurs de Nancy qui viennent. Cool. Et surtout, ce spectacle, tous les bénéfices seront reversés à l'association LR, voilà, qui s'occupe des enfants qui sont en réa, en fait, à l'hôpital d'enfants. Ok. Voilà, d'accord. C'est une asso montée par les infirmiers, voilà, par les soignants. Par les soignants, ouais, soignants. Et ils gèrent cet asso bénévolement, et cet asso permet aux enfants d'avoir, voilà, des jeux, un peu de musique, des clowns, tout ça, voilà, plein de choses qui sont essentielles pour les enfants de Réa. Et voilà, et du coup, on a décidé de leur donner un petit coup de pouce. Donc là, c'est pour les enfants, le public, c'est quel âge? Le mieux, c'est quoi, d'après toi? À partir des 5 ans, je pense. 5 ans, donc 5 là. Ans, jusqu'à même les adultes passent un bon moment. Une belle idée sortie en famille dimanche après-midi. C'est ça, et pour la bonne cause. Et pour la bonne cause en plus. Donc ça, on vous donne vraiment rendez-vous. Toutes les familles qui nous écoutent, les mamans, les papas, n'hésitez pas à venir. 4-5 ans, ça passe jusqu'à. Et ça marche aussi avec les grands, hein, même les complètement. Grands. Complètement. Pas de souci. D'accord. Autre chose, ouais, et du pareil, coup, t'as dit. Et s'il y en a qui ne veulent pas venir mais qui veulent participer. Je pense que le lien doit être sur le site internet de cette association-là, s'ils veulent les aider. D'accord. Voilà. Et du coup, tu disais deux choses. Il y a autre chose encore le dimanche là ? Il y a 19h, il y a le WF. C'est Flavien Repère. Flavien Repère et Fabio Macchioni. Ouais. Voilà, l'un de Strasbourg, l'autre de Milan. Mmh. Ça fait des années qu'ils se rencontrent sur les festivals. Et depuis quelques temps, ils se sont dit pourquoi on ne ferait pas un spectacle ensemble ? Ah, c'est bien, c'est cool. Et voilà, ils viennent nous le présenter. Très bien, là aussi donc un bon moment avec deux improvisateurs qui ont déjà effectivement un bon bagage, si je puis dire, des valisettes. Et donc le soir, voilà. Et du coup le lundi, on disait qu'est-ce qui se passe off le lundi? Jam Session, donc du coup à la Plantation, voilà, à partir donc de 20h. Très bien, et on continue le reste de la semaine après une pause musicale. On va en faire une seulement ce soir parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et tiens, Bouter, je les ai découverts au tremplin de la chanson à Pichon au mois de mars. Ça va un petit peu nous dynamiser normalement, j'espère que ça fonctionne. On va voir ça tout de suite. Oui, a priori c'est bien. Allez, Bouter, Dessaisir, et après bien sûr Impro Station avec la semaine de l'impro. A tout de suite, belle écoute. Est-ce toi qui brûles, toi qui rends aveugle, toi qui pulvérise? Par toi la grande écume, par toi la grande nuit, par toi que tout s'effrite. Les Déodaciens. Je me suis un petit peu avancé quand j'ai dit que ça allait dynamiser. C'était pas forcément le bon choix que j'ai fait. On a fait une petite sieste. Autant pour moi. Merci. Ça met la patate. L'émission sans filet, on n'est pas loin. C'est ça. Bouter. Effectivement, entre chant électro, deux frangins. Mais il y a des morceaux plus calmes. Voilà. Bon, 20h33 minutes. Bien sûr, on va parler toujours de la programmation. On va déjà aussi improviser. Et on y retourne avec le thème d'Anso, que l'on salue, qui nous écoute sans doute sur le net. D'ailleurs, on vous salue aussi, hein, que vous soyez effectivement à Nancy ou bien sûr bien plus loin. Vous pouvez nous entendre sur fadjet.net. Allez, on y va avec le thème merguez ou chipot. C'est un thème avec là une ambiance sonore. Autant pour moi, avant, j'ai lancé alors que t'étais parti. J'étais et c'était parti tout oui, seul. Pourtant, je faisais un oiseau. Oui, c'était très bien cet oiseau, mais j'avais j'étais le doigt pied dessus et je ne pouvais plus faire que le lâcher. C'est ça, et exactement. Autant pour moi. Donc là, je l'ai vu dans ton regard. Donc là, je vais lancer déjà une nappe, une ambiance, et après, c'est à vous, bien sûr. Vous avez compris, évidemment. Lancer une nappe. Oui. Merguez ou chipo? Oh, j'hésite. Merguez. Merguez, bien sûr. C'est... Allez, tiens. Hop, hop. Merci. De rien, tiens. Hein? Oh, ce qu'elle est bonne. C'est pas une bonne idée, ça? Oh là là. Je trouve que c'est la barbecue tango. Meilleure merguez que j'ai mangé de ma vie. Eh oui. Tu sens la sensualité. Ah. Tu sens le double sens. Ah, oui, oui. C'est ça. Je l'ai bien senti, oui. Elle a choisi quoi? Elle a choisi quoi? Merguez. Oh la cochonne. Je te l'avais dit. Tu vois, on aurait parié, tu vois. Alors. Vas-y, à toi, vas-y. Arrête, la mienne, elle est végétarienne. Oh non. Comment ça? Je sais pas, je suis mal tombé. Mais comment tu fais alors? Tu proposes quoi? Je sais pas, attends, j'y retourne, j'y retourne. Vas-y, vas-y. Chérie. Mm-hmm. Oui. Oh, mais c'est un nouveau parfum que tu as. Oui, c'est ce sont les parfum épices. De la merguez. Ce sont les épices, tout à fait. Évidemment. Mais ça te sied à vie. Merci. C'est ça, je suis un peu... Comment ça? Ça chauffe peut-être avec... Ouais, ça chauffe un peu, là, les épices de la merguez. Oui, dis donc, tu es... C'est fou. Oui. T'as pas un chou-fleur, une carotte ou un truc dans le genre? Écoute, il doit rester... Oui, il doit rester des carottes. Oui, vas-y, propose, je sais pas... Merci. Oh, pff, une végétarienne. Sinon, il y a une végétarienne. Bon, j'y retourne. Des choux de Bruxelles, ça te... Oh, on verra bien, c'est pas grave. C'est... Je te sens un peu... Comment ça? Quoi? Sur... Un peu distrait quand même. Distrait, là. Distrait? Mais non, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je sens cette chaleur monter, tout ça, de ton corps, des... Oh là là. J'enlève mon gilet là parce que ça... Oh là là, mon Dieu, c'est... Oh, mais on peut pas ouvrir la fenêtre. Oh là là, mon Dieu, c'est... On est dans le jardin pour le barbecue. Ah ben c'est pour ça, on peut pas, ça sert à rien d'ouvrir la fenêtre. On peut ouvrir la fenêtre, c'est surtout pour dedans. Un petit tango, du coup. Un petit tango, vas-y. Pour... Oh. Il est sain, ton corps. Aïe. Je crois que c'est complètement foiré. Moi, je rentre à la maison. Mais, oui, c'est ça. Casse-toi, laisse tomber. J'ai proposé un concombre et elle a cru que c'était un message. Grave-le. Mais faut pas faire ça. Attends, regarde. Oh, mais elle a enlevé son gilet, la tienne. Oui. Oh, la cochonne. Regarde, elle a les yeux fermés, je suis sûr. Tu peux même prendre ma place. Regarde, elle a les yeux fermés. Attention, regarde, vas-y. Tiens, vas-y, toi, vas-y. Oh, il est original, ce pas de danse, dis donc. Oh, ça fait... Vous aimez la merguez? Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais je venais vous proposer une merguez. Mais... Ah, mais c'est pas possible. Mais pourquoi t'as fait ça? Faut pas manquer de respect. Non mais dis donc, mais... Aïe, mais non. Non mais attends, c'est pas croyable ça. Tiens, prends les choux de Bruxelles, amuse-toi avec. Merci. Et non. Oui. Chipo merguez. Allez, chipo pour changer. Oh la cochonne. Bravo. Et ben voilà, rondement mené jusqu'au bout. Chipo merguez, maintenant vous saurez l'un ou l'autre. Ça peut être risqué. Mais accompagné d'un bon concombre, ça équilibre le tout. Exactement. C'est vrai, c'est connu. Voilà. Sur chaque joue, donc c'est équilibré. Sur chaque joue. Voilà. Bon, voilà. Bah, écoutez, c'est ça aussi la semaine de l'impro. Tiens, d'ailleurs, comme thème, Jonathan, la semaine de l'insoumission pour SDI, je sais pas si on va le faire du coup. Je suis pas sûr. On le salue. Alors, oui, on continue le reste de la programmation. On le disait, effectivement, il se passera encore des choses. On est au mardi. Que se passe-t-il le mardi, le clou du spectacle vous propose un spectacle qui, d'ailleurs, fait. Hein, qui joue un peu partout. Il paraît que ça fait un carton. Ça fait un carton, et avec des gens connus en plus. Grève de comptoir. Grève de comptoir, voilà, à 20h. Et bien après, spectacle avec, j'adore. une des meilleures improvisatrices au monde, je pense. Au monde de Belgique, au moins. Et je ne suis pas le seul à le dire, on le pense tous. Et donc avec Christelle Delbrouck, donc, qui vient de Bruxelles, ouais. Avec son super spectacle qui est rugueux. Moi, je viens exprès pour elle. Hein. Voilà. Pas et pour ce qu'il y a avant. Parce que c'est pas parce que je joue avant que forcément. Non, je viens. Non, tu n'es pas obligé de rester. Enfin, je viens vraiment pour elle. Bien sûr. Je me demande si je vais venir avant. Finalement. Alors, Christelle Delbrouck, elle fait un spectacle toute seule. Oui. Alors, quoi ça consiste? Savez-vous? M'expliquer. Oui, en fait, elle utilise tout ce qui. Durant la journée, elle emmagasine un petit peu toutes les infos, tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle sent, tout ça. Et du coup, le soir, elle propose un spectacle improvisé, elle toute seule, à partir de tout ça, tout le matériel qu'elle aura récolté dans la journée. Très bien. Voilà. Et ouais. En effet, c'est une improvisatrice incroyable. J'avais vu il y a fort bien longtemps, au 24, 72, 48 heures, je ne sais plus, d'impro à la Strasbourg. Heures, 225 heures, oui, c'est ça. C'était assez énorme. Et ouais, la faculté de jouer avec ce qu'il y a là, voire même rien, et c'est juste génial. Allez la voir, hein, donc une belle soirée le mardi soir. Ça fait longtemps qu'on voulait la voir à la semaine de l'impro. C'est sa première fois. Elle était toujours, elle est quand même très très prise. Hein. Ouais. Elle est de tous les gros festivals. Elle est un peu de ciné, un peu. Enfin voilà, elle a une vie incroyable. Et du coup, on est super content. Une vraie personnalité cette année. Un vrai charisme. Pour ceux qui ne connaissent pas, à ne pas rater. Hein. Et surtout, en plus parce que cette année, le hasard a fait que la programmation était quand même assez masculine. Oui. Et on est fiers d'avoir Christelle qui va dire non, l'impro, voilà, il y a des filles et il y a de super filles. Le mercredi soir, qu'est-ce qui se passe? Mercredi soir, donc, comédie musicale improvisée avec une troupe de Lausanne avec Yvan Richardet qui va mener ça d'une baguette de maître. Donc c'est à 20h, donc comédie musicale, si vous aimez la comédie musicale, là... En plus, c'est improvisé. Donc voilà, je vous dis que ça. Et après, tu voulais dire quelque chose? Non, juste pareil, parce que tout comme Christelle est énormément demandée, pareil, eux, la comédie musicale improvisée, ils ont notamment fait le Paléo Festival, voilà, pour ceux qui connaissent, qui est un énorme festival de musique. Et eux, ils l'ont fait avec leur comédie musicale improvisée. Mmh. Voilà, juste pour dire le niveau de ces messieurs-dames. Oui, ça fait un carton, vraiment. C'est... Tous ceux qui l'ont vu sont ressortis, mais juste, bluffés. Quoi. Et Yvan propose des stages, du coup, d'improvisation musicale aussi dans la semaine. Voilà, sur deux fois d'ailleurs, mercredi et jeudi, tout à fait. Et donc ensuite, on a à 21h30 la fight avec le concert improvisé. Donc, ça sera avec des chanteurs et des musiciens de talent. Mercredi soir. Mercredi soir. Oui, après la comédie musicale. Donc c'est une soirée thématique, donc avec musique. Oui, voilà, musique et impro. Voilà, en mode musique et impro le mercredi. Très bien. Il nous reste encore 3 jours après. On les fera tout à l'heure, c'est ça, il reste jeudi, vendredi et samedi. Donc ça, on en parle juste après, bien sûr, 20h43. On improvise encore un petit peu, bien sûr, on aime bien. Oui, ça vous dérange pas ? Bien sûr, non, écoute, on est là pour ça. Alors, on a parlé musique, est-ce que je retente une chantée ? Parfois, j'hésite, hein, en fin de compte. J'ai bien Yann, j'ai vu le regard de Yann, ok. On le fera la prochaine. J'ai pas encore suivi le stage de Yvan. Ok, donc on se garde pour la prochaine fois. Là, on va faire une improvisation normale. Évidemment, avec mon thème, un regard en arrière. Merci Greg qui nous propose ce thème-là. Un regard en arrière. Et je vous propose cette fois-ci donc ce que nous a préparé notre animateur de menu étudiant tout à l'heure. On va l'utiliser autant faire cela. Donc, vous avez une ambiance, une nappe de fond d'ambiance. D'accord. Dans un contexte, et vous faites le reste. Le thème, c'est un regard en arrière, voilà tout. comment ça se passe. J'arrête ça et c'est parti, mon kiki. Horoscope du jour, jeudi, Gémeaux. Vous n'avez pas de chance en amour. Ok, super. Argent, vous n'avez pas de chance non plus en argent. D'accord, ok, super. Travail, voyez plutôt autre chose. Tu crois que Benzema, il va être sélectionné? Bah écoute, moi je pense que... Il a de grandes chances, oui. Parce que maintenant, franchement, même Deschamps, il a la justice aux fesses, et il n'y a plus de raison pour qu'il ne prenne plus Benzema. Hein. Bah, ouais, mais bon, après, est-ce que Benzema est légitime, quoi, je veux dire. Ne te retourne surtout pas. Ok, je me retourne pas. Ne te retourne surtout pas. Quoi? Il y a Claudia Marakovic derrière toi. Non. Claudia Marakovic. Non, sérieux. Oui. Non. La page centrale de Sport Illustrated. Oh, non, tu t'es retourné. T'as raison. J'ai tous ces posters dans ma chambre. Tu sais que j'ai quitté ma femme pour elle. Eh ben, tu sais quoi, t'as deux solutions. Soit tu retournes avec ta femme, soit tu vas la voir. Oh, mais attends, mais c'est une top modèle. Attends, moi, je suis qui? Regarde, je suis juste un poivreau de PMU. Et pas jamais. Ouais, Qu'est-ce que tu sais, quoi, me dis, mon horoscope? C'est quoi ton signe? Je suis poisson. Poisson? Amour? Allez-y, foncez. Oh. Argent? On s'en fout. Ok, travail. On s'en fout. Oh, bah fonce, quoi. Vas-y. C'est-à-dire, n'hésite pas. Mais vas-y, je te dirai plus tard. Vas-y. Bonjour, je peux vous payer. Je peux vous payer un Ricard. Un Ricard. Oui, si vous voulez. Ou un demi. Hein, c'est, Ricard, c'est bien. Je vous ai trouvé très triste. Alors je me suis dit peut-être que je pourrais vraiment me rapprocher et peut-être que je pourrais aider votre journée. C'est gentil d'avoir, lunettes, d'avoir pensé ça. Les lunettes noires, c'est parce que vous pleurez. Vous mouchez, c'est parce que vous pleurez. On pourrait parler d'autre chose si vous poussez. Tenez, vous voulez un mouchoir, regardez. Il est brodé. Mais vas-y, mais dégage. Mais quand je vois une femme qui pleure, j'ai toujours deux mouchoirs sur moi, tu sais. J'ai un mouchoir pour moi et un mouchoir pour la femme qui pleure. Asseyez-vous tous les deux, il y a deux chaises, asseyez-vous. Tenez, marrant, vous êtes gentil, merci. Moi personnellement, je suis dans le cinéma. Et vous? Dans le cinéma? Oui, oui, oui. C'est intéressant, ça. Vous faites quoi? Je fais des trucs. Des trucs? Oui, ouais, je fais des trucs dans le cinéma. Ok, bah c'est bien. Et vous? Moi, je suis. Je voyage un peu. On fait des photos. Oh, moi aussi, je voyage beaucoup. Hein. Rien que ce matin, j'étais à Créteil. Si vous voulez, si un jour vous avez rien à faire, je peux vous amener à Créteil. C'est joli, Créteil. C'est beau, Créteil. Je vais réfléchir. Il y a une super médiathèque à Créteil. D'accord. Ils ont plein de livres. Moi j'aime bien les étoiles. J'aime bien lire l'horoscope. J'aime bien l'astrologie. J'aime bien les étoiles là. Oui. Vous êtes quel signe, madame? Moi j'aime bien les chiens. Je suis allergique aux chiens. Vous êtes allergique? Je sais pas, mon. Je peux lire dans votre ligne de main? Je peux lire dans vos seins. Excusez-moi, mais là c'est un peu trop quand même là. Attends, c'est pas parce que tu prends la main que tu peux lui toucher les seins non mais plus. Mais il reste quoi? Tu vois autre chose que ces seins là? Je pense que je vais vous demander de partir là parce que ça me met mal à l'aise. Voilà, t'as tout gâché. T'as tout gâché. T'as été super direct en lui prenant la main. Tiens, écoute, je m'excuse, madame. Il s'excuse. D'accord. Ça vous fait rire? Je vous ai fait rire. Vous avez vu que on vous a fait rire. Oui. On a eu une bonne journée. Oui. Merci. Vous savez, nous, on fait notre spectacle tous les jours ici. Vous faites du spectacle? Tous les jours. Ah bon? Tous les jours ici. Ça s'appelle comment? C'est miser sur le bon cheval. C'est ça. D'accord. Les gens vous regardent. Ils regardent, oui. Prenez un stylo, ouais. Prenez cette grille et mettez les numéros que vous voulez. Alors le 5, en moins de temps qu'il faut pour le dire. Le 10. Regardez, levez la tête, regardez cet écran, madame. Le 15. Regardez cet écran. Le 8, le 15, le 12, le 1 et le 3. Vous avez le quintet dans l'ordre, madame. Ça fait quoi? Parce que j'y connais rien. Là, pour cette course-là, ça fait juste... Vous avez gagné au moins 50 euros. 250 000 euros. Autant. Oh, 250 000 euros, c'est... Et oui, c'est... C'est tout pour vous, madame. Merci beaucoup. Je vous paye un verre du coup pour. Avec plaisir. Pour vous remercier. Tu veux boire quelque chose? Un Ricard. Ouais. C'est vraiment la première fois qu'on se fait inviter par une si charmante personne. Et sinon lire dans les seins. Ouais, ça a été sur ça, Lira. C'est une thématique ce soir, monsieur Berlier. On a parlé des seins déjà. Non, c'était mais pour changer du romantisme. Ouais. Des chipots et des merguez et des concombres. Là. Il y a un truc là. C'est est-ce que tu veux que. Mais c'est pas moi qui ai lancé le fait que le tango érotique. Là, C'est vrai. Ce n'est pas toi. Ah, là, là. Voilà. Mais c'est la musique qui m'a. Ah, c'est ça aussi la prose, c'est qu'on ne peut jamais garantir de rien. On sait que ça va être bien. On ne peut jamais garantir de la qualité. Mais j'ai dit, on sait que ça va être bien. Après, on ne sait pas dans quel sens c'est bien, mais ça va l'être. Et c'est ça qui est bien. Parce que ce qui compte, c'est que ça le soit. Vous comprenez? Bon, voilà. Allez. J'ai rien compris. Moi, j'ai compris la référence de Yann, parce qu'en fait, le programme de la SDI, sur le programme d'une jeune femme avec des seins, on peut lire le programme dans les seins de la jeune femme. Oh, c'est beau. Bravo. Est-ce qu'on pourrait m'enfiler un petit peu parce que je le trouve joli. Encore une fois, c'est une proposition de malhonnête. Une proposition de comment ça s'appelle ça le graphisme de Damien Raymond. Damien Raymond, c'est ça? Oui. Ouais, il nous a encore super dépanné. Ouais. Et ben, on le super remercie. voilà ce petit programme. Il se trouve partout là, ce petit programme. Il se trouve partout. Partout. D'accord. Et justement, on va. N'hésitez pas aussi à ceux qui nous écoutent pour filer un coup de main aussi. On peut filer un coup de main encore à flyer tout ça. Toujours ouvert, je pense, à des gens qui veulent bien nous aider. On cherche des bénévoles, on cherche de l'hébergement aussi. Je crois, si vous voulez héberger un improvisateur, vous êtes les bienvenus. Combien de personnes ça mobilise, tiens, un truc comme ça, un truc aussi 852. Gros. Ah ouais, c'est quand même un gros festival. Ouais. 852, ouais, donc c'est. Non, mais à peu près combien? Une vingtaine, trentaine de bénévoles? Je pense que ça doit être dans ces eaux-là. Oui, à peu près. Une dizaine chaque jour. Oui, c'est ça. C'est quand même une grosse organisation. En plus, il y a des parrains un peu cette année. Il y a des gens qui nous aident un petit peu financièrement aussi. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un appel aussi à ça peut-être? Il y a un Ulule. Mais je ne connais pas le lien. Mais on peut sur la chaîne de sur le on l'a via improfestival.com. On peut aider avec des super contreparties. Quand même, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous chante une chanson. Vous pouvez avoir un spectacle chez vous. Ah ouais, ça c'est bien ça. Bien sûr. Vous pouvez monter sur scène. Des affiches dédicacées. Vous avez bien sûr. Ouais. Il y a Fadjet qui est partenaire. Oui, Fadjet est partenaire. Tout à fait. Fadjet, oui, parce que là je le vois dans le petit. Un Pro Station tous les jours de midi à 13h. Faire la liste des partenaires. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, on va le faire. Il y a Glace de Lorraine qui nous aide beaucoup, qui nous offre des glaces. Lorraine, du coup. Voilà. Tout à fait. Ouais. Ça c'est bien, c'est du local. Le glacier qui est place Stanislas. D'accord, très bien, on le salue quand aussi. Même. Alors du coup, on fait un petit peu de pub. On n'a pas fait le tour de tous les spectacles. Il nous reste le jeudi 5 mai. Que se passe-t-il au théâtre de la Foucotte? Donc l'après-midi, nous avons donc le grand tournoi des ados, de 14h à 18h, et le soir 20h, la grande finale de la Stan Cup. Est-ce qu'on a les équipes? C'est le bordel contre les Peps. Le bordel de Metz est face aux Peps, qui sont résidents d'ailleurs à la plantation. Ça va être un super match, vraiment, ça va être chouette. Je me rends compte qu'on aime bien les grands SDI parce que puisque c'est le grand match d'ouverture, le grand tournoi des ados, ouais, et la grande finale. Exactement. C'est vrai. Il y a un truc comme ça, il faut. Ouais, ouais. Ce sera durant la grande semaine de l'impro. Le jeudi 5 mai. Toujours. Ah oui, c'est pas fini. Avec 21h30, ah, oui, Christophe oui, Lechevillier. Qui ouais. présente donc The Party. Donc Yann, si tu veux. C'est toujours l'esprit un petit peu de la SDI aussi de réunir des univers qui sont pas forcément faits pour coller ensemble au départ. Enfin, pour que du coup les publics se rencontrent. Et du coup, le The Party, c'est pas du tout du match pour l'occasion. Voilà, c'est un long forme. C'est un long forme où qui part un peu en live. Voilà, Christophe Lechevillier va réunir 10 comédiens. Et l'idée, voilà, c'est qu'on voit ces comédiens évoluer dans une fête. Et là où souvent les spectacles d'impro, on éparpille plein d'informations au départ pour toutes les réunir à la fin et qu'on fasse un joli paquet cadeau. Là, c'est un peu l'idée, c'est l'inverse. C'est que plus ça va et plus ça part en live. Voilà, et du coup, et ça finit normalement vraiment, vraiment en gros bordel. Mais en tout cas, c'est la morsure qui présente ça. C'est un collectif. Christophe Lechevillier fait partie de ça et aussi de la Puzzle Company. Ils sont de Rennes. Mm-hmm. Ils sont vraiment, vraiment dans l'esprit de trouver de nouvelles pistes à l'impro. Ils viennent de présenter le spectacle aussi au festival Subito à Brest, qui est un des plus gros festivals d'Europe. Mm. Et du coup, pareil, encore une fois, une grande fierté de les avoir là. Et suivi d'un after show de Sergio Paris du Pérou. C'est ça, voilà, qui profite de sa tournée européenne pour s'arrêter à Nancy. Et il va présenter, voilà, il va donner un stage de 2 jours. Il va donner 2 stages d'un jour. Un premier stage à partir de. Enfin, plutôt pour les débutants ou jeunes improvisateurs. Un deuxième stage pour ceux qui ont suivi le premier et ceux qui sont un peu plus confirmés. Il reste une place pour ce deuxième stage. Ouais. C'est vrai, ouais, dépêchez-vous. Il faut y aller, s'inscrire. Et du coup, en after show, il présente un peu, voilà, avec ces gens-là, il présente son spectacle Historias Minimas. À savoir que il est péruvien, le stage en espagnol, mais traduit en français. Par sa compagne assistante, tout ça qui parle français. Super, super. Le vendredi 6 mai, puisque le temps passe, il nous reste 4 minutes. Tout à fait. Là, ça passe vite, hein. Il y a tellement de choses. Chantal, voilà, avec l'incroyable grenier de l'oncle Scott, qui, pareil, est un super, vraiment super concept. Vraiment, c'est top. Ma chaise grince, en fait. Oui, Chantal de Nancy. Voilà, Chantal de Nancy. Voilà, donc à 20h. Et donc, Franck Buzz pour Impro Lightbox, ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est pareil, hein, le vendredi, ça va être. De toute façon, toutes les soirées sont géniales. Avec Impro Lightbox, attention, a priori, un invité qui n'est pas marqué dans le programme. Oui. Mais qui est déjà venu la dernière fois la semaine de l'impro, qui nous vient de Strasbourg, voilà, pour donner des indices. Je dis pas qui c'est. Cool. Voilà, peut-être Marco Meyerl, cool. qui jouerait ce spectacle-là. Avec deux grands messieurs de l'impro, parce que Buzz de Brest. Buzz qui est directeur artistique du festival Subito. Ça fait bien des lumières qui fait de l'impro. Marco Meyerl, j'en parle même pas. Ouais, j'adore. C'est du très très très bien, très bien. Ça c'est le à 21h30 et bien sûr on termine encore par une fin de soirée aussi le vendredi. Christophe Lechevillier avec restitution de stage aussi. Et on se termine très rapidement avec le samedi 7 mai. Samedi 7 mai donc les parvenus donc avec Personas donc ça sera donc à 16h. Yann, tu veux dire pareil un spectacle longue forme qui part sur les sur les masques sociaux. Voilà, ils ont utilisé un peu les masques sociaux pour ceux qui connaissent et ils en ont fait un spectacle d'impro. Voilà, encore une fois, un spectacle très étonnant et très éloigné du match aussi qu'on peut proposer. Tout à fait. Et donc après 17h30, on va donc proposer. Donc je vais proposer avec donc toute une bande de copains avec qui on a fait donc les stages de la fabuleuse école de IO à Chicago. Donc avec donc les gens de donc avec Flavien Verrepert, avec donc Marie, Dan, des gens. Pareil de Meng de Paris, Pierre Alain de Dijon et tout ça et des gens donc d'Allemagne. Et on va faire un Harold, voilà donc et bien entendu ça sera voilà le fameux concept de Del Close et ça sera bien entendu en français. Très bien. Et on termine le grand relais. le grand relais, c'est on prend tous les gens qui sont là, qui sont enfin tous les comédiens, ouais, pas tout le public. Ouais. On les répartit en équipes et on essaie de faire une histoire longue de 4 heures de, durant lesquelles, voilà, toutes les demi-heures environ, on prend une équipe et on suit l'histoire qui de l'équipe de d'avant. Et voilà, ça un pendant 4 heures. C'est un géant. Voilà, géant. Cadavre exquis, voilà. Pour finir en beauté, bien sûr, on vous le disait, voilà, donc une grosse programmation. Les stages, bien sûr, des stages pour tout niveau aussi, parce qu'un stage débutant le samedi 30 avril, ça faut le savoir, avec Bertrand Hans, Mathieu Lepage qui va donner des stages, Fabio Maccioni, Flavien Repère, Sergio Paris, Christelle Delbrouck, Yvan Richardet, Franck Buzz, Julien Gigot et Christophe Lechevillier. Mathieu Lepage de la LNI, messieurs dames. De la LNI, ouais, en plus. Ouais. Donc il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Dernière, pour toutes les infos, parce qu'il est 21h, pour toutes les informations, il y a un site, c'est www.